Je ne me cache pas, je suis présent, je ne suis pas malade, puis je vais continuer à gérer la ville de Montréal dans le meilleur intérêt des citoyens. Il ne s'est pas déguisé en Guy Turcotte à l'Halloween, il ne boit pas de la vite dans ses temps libres, mais ses questions sont quand même assassines. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Oh! Merci pour la belle présentation. Bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de se remettre de la grosse, grosse semaine d'actualité qui nous est tombée dessus. Badang! Ah ouais. Hein, Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Hey, l'actualité va tellement vite, mesdames et messieurs. Là. Ah oui, à cette vitesse-là, que mardi, Gérald Tremblay annonçait qu'il n'était pas malade et qu'il ne se cachait pas. Puis jeudi, bing bang! Il est malade. Puis il se cache. C'est extraordinaire. Je sais pas ce qu'il a pogné, par exemple. Je pense que c'est une crise aiguë de lucidité. Quand t'es pas habitué, là, ça fesse comme une grosse migraine. Ça. Ah oui, hein? Ouais. Ah oui. Puis ouais. Pour moi, lui, il l'a eu au complet sa migraine. Ouais. C'est pas juste à moitié. Non, mais en fait, c'est une petite joke qu'on a. une migraine ouais, fois oui, deux. Non, non, ah, qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est correct. En tout cas, on lui souhaite prompt rétablissement, Gérald. Ouais, pas tant que ça, quand même. Là. Ben, en tout cas, on lui souhaite qu'il se repose en paix. Je pense que c'est l'expression. Oui, ouais, bon. C'est ça. Sur une note positive, vous avez entendu le discours de Pauline Marois. Hein? Hey, c'était-tu bon? Hein? Ben, moi, j'ai regardé la version express mercredi soir à minuit. Là, ah oui, la version express. Oui. Il enlève les bouts de malaise. Ouais, hein? Ouais. Ben, en fait, il restait juste les bouts de Jacques Chagnon, fait que je l'ai écouté deux fois. Ah ouais, non, c'était bon. Oui, bon, Jacques Chagnon. Ah oui, bon. Non, mais on en a parlé des affaires. Écoute, grand nettoyage de la corruption, gouverner pour tous, élections à date fixe, stimuler l'investissement privé, création d'un secrétariat pour le développement nordique, exploitation du pétrole, création d'une banque de développement. D'investissement en recherche, écoute, je veux dire, c'était quasiment excitant. Ben, c'est comme un malade en phase terminale qui promet un voyage à Disney World à ses petits neveux, là, voyons donc. C'est-à-dire? Ben, tout le monde le sait qu'il se rendra pas là, voyons donc. Ah, pas fou, ben pas fou. Mais parlant de Mickey Mouse, là, il y a Richard Martineau qui a fait un appel à ses lecteurs cette semaine afin de sortir dans la rue, hein, et jouer de la casserole pour protester contre les taxes à Montréal. Il a dit ça dans sa chronique. Ben, c'était dans son titre. En tout cas, je me rends rarement plus loin. Ah, là, ouais, mais quand même. Hein? Ouais. Pour un gars qui a craché ses étudiants pendant le printemps, je trouve qu'une hausse de 4%, c'est quand même pas 75%. Fred, on va attendre avant de s'indigner. Fred, une maison à Outremont, c'est pas mal plus cher qu'un bac en sciences molles. Ah, hey, ouais, voyons ouais, donc. Ouais. Non, mais une fraction de pourcentage, ça représente des centaines de milliers de dollars. Vous n'avez pas l'air à comprendre ça, Fred. La misère avec les chiffres, moi. Ouais, on ira en parler aux toilettes, mon beau garçon. Ah, ben. Hein? Vous allez comprendre l'ampleur des montants. Ça vous tente-tu? Ah ouais. Un peu? Un peu. OK, good. Sinon, ben une nouvelle qu'on n'a pas abordée cette semaine, et ça, c'est assez impressionnant, là, c'est l'effondrement du marché immobilier dans la région de Montréal. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Mais voyons donc, Fred. Il y a Gilles Surprenant qui vend sa maison pour une pièce à sa fille. Puis il y a son chum, Luc Leclerc, qui la donne à son ex-femme. Je veux dire, les prix sont en train de s'effondrer. Ouais, pas juste les prix, Gilles puis Luc aussi. Ben ouais, hey, puis la commission, c'est pas fini, cette affaire-là. Ça continue de même. Là, on va finir par recevoir de l'argent quand on va vouloir s'acheter une maison. Quand, là, 100$, une maison. La fin de vin, c'est fou. Non, c'est les fous. Ouais. Puis parlant d'effondrement, je sais pas si vous rappelez de Félix Baumgartner. Ça, c'est le gars qui a atterri sur Terre après un long voyage en provenance de la Terre. Ah ouais. Un cercle qui tourne. Ouais. En tout cas, il a cru bon cette semaine de donner son opinion politique. Hein, et il a déclaré que pour régler les problèmes sociaux économiques en Europe, hein, ça serait peut-être pas une mauvaise idée d'instaurer une dictature modérée. Hein? C'est un Autrichien, lui. Hein? Oui, c'est un Autrichien. Je pense que c'est une obligation légale quand t'es autrichien d'être pour les dictatures. Faudrait que je vérifie, mais... Ah ouais? Quel autre autrichien qu'on connaît? Franchement, non, mais de toute façon, regarde, pas besoin d'être autrichien pour penser ça. Regardez le maire Labeaume à Québec. Hey. Ouais, le douché de la Grande Allée. Oui, le petit douché. Douchette. Lui, il est contre la proposition du PQ de limiter les élus municipaux à deux mandats. Puis en plus, c'est dans sa ville qu'on tient le Red Bull Crash Tide. Ah. Si 1+1, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Là. Non, effectivement. Hey, on est quasiment aussi convaincant que l'avocat d'Union Montréal. Hein? Hey, ça, c'est insultant, Fred, par exemple. Ça, là, hey, pauvre maître Dorval. Hein? Ah ben oui, hein? ça valait pas haut, hein? Dorval. Ouais, OK. Mais non, mais le voir contre-interroger Martin Dumont, là, le gars qui a impliqué le maire Tremblay, on en vient qu'à se demander Coudonc, le barreau, là, je veux dire, c'est si facile que ça passer les examens? Ah, ben, je pense qu'il a fait son droit à l'UQAM, c'est pour ça. Ah, OK, ouais. C'est moins exigeant. Oui, oui. OK. Ouais. Ben, ouais, c'est moins pire que ça. OK, ouais. OK, là, bon. Non, non, mais j'étais mal pour lui, là. Surtout le bout où il parlait de tu sais, il tentait de discréditer le témoin, là, puis il a rappelé qu'il avait déjà regardé au bureau des sites pornographiques. Hey, qui n'a pas déjà regardé de la porn au bureau, ouais. Honnêtement? J'en regarde en ce moment même. Arrêtez donc. Puis. Ben, là, il n'y a pas juste des migraines, hein? OK. Puis son argument sur la date d'émission des billets de 1 000 $, là, ah ouais. Hey, ça, c'était niaiseux. Ça. Hey, j'ai des 25 cents qui datent de 1954 dans mes poches. Là. Je veux dire, ça circule longtemps, l'argent. Ouais, il y a quand même pas mal moins de 1 000 $ qui circulent de 25 cents. Hey, non, on ne fait pas à Union Montréal. Ah ouais. Hey, ouais. D'un bureau à l'hôtel de ville, là, 1 000 $ comme un 25 cents. Non, non, mais écoute, je veux dire, ça traîne par terre, cette affaire-là. Puis la machine à café paraît qu'elle prend juste des 100 $. Ah ouais. Regarde. Il paraît que le café est même pas bon. C'est parce qu'il est blanchi. Ah. En tout cas, c'est un concept. Justement, parlant de propreté, hein, quand même, on reçoit cette semaine Bernard Drinville, ministre péquiste, qui n'a pas été nommé à la commission Charbonneau. Hein? Oui. Pas encore. Ben là, regarde, Fred, il reste un an et demi. Et on reçoit également Sylvain Lafrance, ancien patron de Radio-Canada et bon ami de Pierre Calpelado, qui non plus n'a pas été nommé à la commission Charbonneau. Mais bon, son nom a encore le temps de sortir parce que la soirée est encore jeune. Eh bien, merci d'être à l'écoute de la soirée. Olivier Niquette, oui. Nos bonnes adresses de la semaine. Ben justement, ça fait 18 épisodes que je vous donne une mauvaise adresse Facebook. C'est pas facebook.com/la soirée, c'est /la soirée est encore jeune. Pour vrai? Hein? C'est ouais. Vrai? Qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine, Fred, vous? Je m'occupe de la page Facebook, je pense. OK, excellent. Sinon, vous pouvez nous suivre sur twitter.com/la soirée ou sur notre site radio-canada.ca/la soirée où vous trouverez un long plaidoyer de Lise Ravary contre les souffleurs à feuilles. C'est très touchant. Ah ouais. On vous croit comme pas quand vous nous donnez des adresses maintenant. Enfin, grosse semaine ouais. D'actualité encore une fois, ouais. Tellement qu'on n'a pas eu le temps, et ça me rend triste, on n'a pas eu le temps de parler de Gabriel Nadeau-Dubois qui a été déclaré coupable pour outrage au tribunal. Hein. Il risque même la prison. Il est pas vite, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y avait un qui a devenu maire s'il voulait pas faire de prison. Ah ben oui, ben oui. Mais il y a encore le temps. Il y a 16 ans, le petit gars. On le voit bien en plus, ils ont pas de classe. Les oh boy. OK. C'est des jeux de mots aujourd'hui, hein? Ouais, c'est comme ça. Il y a des semaines comme ça. Qui vit en moi. Ben oui. Des fois, il sort. Hey, Luc Leclerc, vous le savez, l'ancien employé de la Ville de Montréal, a expliqué cette semaine à la commission Charbonneau que, contrairement à la croyance populaire, ben, c'est bien difficile de liquider 500 000 $ de même. Hein? Ça nous a inspiré notre palmarès de la semaine. Alors, voici donc 5 moyens de facilement dépenser 500 000 $. En 5e position, acheter un candidat à la chefferie du Parti libéral. Ouais. Ben oui, c'est 500 000 $. Ouais, sauf que ça ne se fera pas en avril, par exemple. Hein? Ah. C'est un peu comme acheter un sofa chez Léon. Comme quoi? Ah, on paye tout de suite. Non, on le prend tout de suite, mon père. Ah, ouais. Mon Dieu, ça ne vaut pas la peine. En 4e position, corrompre les 3/4 de Gilles Surprenant. Ben, tu sais, on peut se rendre quand même assez loin. Ça me semble qu'après un quart, je serais un peu écœuré, moi, par exemple. Il a l'air super gentil, monsieur. Ouais. Moi, j'irais à Cuba avec ce gars-là. Je sais pas. En 3e position, passer un bel après-midi au casino avec Gilles Surprenant. Ah, hein, encore une fois. À quoi il jouait, lui, pour redonner à la société? Ça devait pas être bien compliqué. Non, ouais. Il y a peut-être des tables de paquets voleurs au casino. Pensez-vous. En 2e position, acheter 500 000 maisons vendues par Gilles Surprenant. Ouais, hey, ouais. Mais c'est niaiseux, c'est une ville, ça. Ouais, mais 7% de 1 $, ça fait pas une grosse commission. Ouais, mais quand t'es vendu tout. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Peine. Et en première position, aller manger de la lasagne au poulet au commensal. Ah, c'est vrai qu'il facture au poids, ben oui. Ouais, c'est quand même pas si lourd du poulet, quand même. Ça dépend à qui tu y vas. Oh, oh, oh, je n'ai mentionné aucun nom, là. Ouais, ouais, présentez-nous, ouais. Présentez-nous notre premier invité. Député péquiste depuis sa défection de Radio-Canada, il cumule plusieurs fonctions parfois exotiques au sein du gouvernement marois. Accueillons le député de Marie-Victorin, Bernard Drinville. Monsieur Drinville. Ça va? Ça va très bien. Bon, ça a l'air en forme, Annie. C'est toute une intro, hein? C'est-à-dire? Ben, enfin, je parle pas de l'intro qui me concerne, non, mais non. Toutes les blagues qui l'ont précédé. Oui. Ben là, je suis en train de me dire, coudonc, je suis à la bonne place, moi, là. Ben là, il y a peut-être votre entourage qui n'a pas fait sa job, là. Je sais pas. Mais je me sens mal de dire ça parce que je l'ai rencontré, il a de la super gentille, mais je veux dire, il faut le savoir. Hein. Ouais, mais oui. On offre de la bière comme ça, ça laisse. Une bière? Et ça, c'est incroyable. Dans mon temps, là, la bière à Radio-Canada, ça n'existait pas. Mais voyons donc, vous êtes bien dans le. Je te dis, pour moi, ça a commencé quand Sylvain Lafrance a quitté. C'est vrai? Mais on va le recevoir tantôt. Je sais pas si... ah, écoutez, ça va super bien depuis qu'il a quitté. Je j'avais su, je serais resté. Hein? Si j'avais su, ouais, je serais resté. C'est une blonde. Ben blonde. Oui, Anne Boréal. C'est québécois. C'est super. Oui, oui, j'avais... vous dites tout ça. Non, non, mais M. Drainville, on est très, très heureux de vous recevoir à l'émission. Moi aussi. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on n'a pas besoin de vous payer. Puis dans ces temps durs à Radio-Canada, là, oui, ça fait la différence entre un repas pour l'enfant de Fred, oui, pendant la semaine. Et deuxièmement, parce qu'il est arrivé à quelques reprises, et là, je vous le dis parce que je vous ai en face, il est arrivé à quelques reprises qu'on s'amuse à vos dépens. Oui. Pas souvent. Non. À deux, trois reprises. Oui. Mais... pendant plusieurs semaines en ligne. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça le fun de vous avoir parce que les blagues concernaient le fait que vous n'êtes pas un député très reposant. Hein? Vous soignez un peu à Bacchès, tu sais. Mm-hmm. Puis et on se demandait... Parce qu'on se demandait... Mais ça, c'est une qualité, ça, non? Ben ça dépend des fois. Faudrait demander à Pauline. Mais on se demandait... En fait, on se demandait qui allait mettre le bordel en premier, oui, hein, dans ce nouveau gouvernement-là. Est-ce que ça allait être Jean-François Lisée? Est-ce que ça allait être vous? Finalement, Pauline n'a pas eu besoin d'aide là-dessus. Elle l'a fait toute seule. Mais en fait, c'est le petit Nicolas Marceau qui a pas, mis le... Vous êtes pas fin, là. Ben là, c'est... Tu peux pas... Vous avez pas suivi l'information? Vous pouvez dire une chose comme celle-là, là, puis vous attendre à ce que... Je dis rien, là. Ben non, mais il faut que je défende ma chef. Il faut que je défende ma chef. Ben oui, je sais bien, allez-y. Mais non, mais ça va. Moi, je pense que les choses sont en train de se replacer, là. Ah, ben c'est ça. Ça va vraiment bien. Replacer. Ben oui, mais le départ, c'est normal. Écoute, on apprend. Moi, aujourd'hui, là, c'est ma première période des questions. Comment ben, ça hier, a été? Hier. Oui, hier, oui, c'est pas grave. C'est ma dernière période des questions. Oui. Puis, écoute, c'est impressionnant. Oui. Poser une question, c'est une chose. Oui, oui. Répondre, c'est autre chose. Autre, hein? Oui, c'est profond ce que je viens de dire là. C'est vrai que c'est deux choses différentes. Surtout que vous étiez journaliste avant. Ben oui. Vous étiez allé poser des questions. C'est ça. Ben oui, c'était facile ça. Ben oui. Puis répondre. Ben écoute. Moins le fun, hein? Ben, t'es pas trop pire. J'étais pas mon meilleur, mais ça aurait pu être pire. Ben, on va se pratiquer, ben, pas longtemps, là, jusqu'aux prochaines élections. Mais d'ailleurs, elle pourrait venir très vite. Je sais. Dépêchez-vous à finir l'entrevue, d'ailleurs, parce que le gouvernement pourrait tomber, parce que la CAQ puis les libéraux veulent voter contre. Je sais, je suis bien stressé de ça. Le discours inaugural. Ben, puis là, j'aurais plus personne. On va partir en élection, on va recevoir la même bande, ça va être plate. Ouais, non, ouais, ouais. Mais il y a une question que je. Et ça, c'est une question personnelle que ça fait longtemps que je vais vous poser. Et ça concerne pas Gentil 2, ni le gaz de schiste. C'est à propos de la soirée électorale, M. Drainville. Oui. Qu'est-ce que vous aviez aux cheveux? Vous étiez tout trempé. Oui. Vous vous rappelez de ça? Vous venez faire des longueurs. C'est-tu quoi? Je me pose encore la question. Comment? Mais je vous regardais, je me suis dit, Dieu, vraiment... il s'est fait traverser du Gatorade dessus. Non, j'étais très humide. C'était juste l'humidité. Sérieux? Non, mais non, c'est parce que tu peux dire après, tiens, dans la première heure, le gars s'est fait mouiller dessus. Moi, ça fait trois heures que ça ben dure. C'est ça, non, c'est non, ça. Je sais, je sais. Un rassemblement bon, partout dans une piscine municipale, c'est spécial. Non, c'est écoute, je sais pas quoi dire. Sérieusement, je voulais juste savoir ce que c'était. Personne ne le sait, c'est pas grave. Regarde, on part en élection dans moins d'un an, là, fait qu'on regardera ça. On ira avec vous dans votre comté. J'aimerais ça. Ben, je comprends. Non. Pourquoi vous pourriez vous déplacer à Longueuil? Ben, je vais peut-être faire ça avec des parapluies. Ça me ferait plaisir de vous accueillir dans mon comté. Mais bon, là, vous parliez justement du fait que ben, la session est commencée. On a eu le discours inaugural de votre chef, Pauline. Ça nous a surpris parce qu'il n'y a pas eu de mots, en fait, de mots trop durs à l'endroit de la ville de Montréal, qui vit une période assez difficile, M. Drainville. Oui, c'est le moins qu'on ben puisse dire. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que gouvernement en ce moment, gouvernement provincial, pour aider les pauvres Montréalais? Regardez comment ils sont débinés, notre public. Là, ouais, enfin, terrible, si là. Les gens, oui, oui, si les gens voyaient ce que je vois. Là. Non, non, il ben, y en a que c'est leur face normale, là, mais je veux dire, il y en a d'autres... Il y en a d'autres que c'est plus difficile. Là. Mais pour vrai, le gouvernement québécois peut faire quoi pour la mairie de Montréal en ce moment? C'est difficile. C'est difficile parce qu'il a été élu au suffrage universel. Ouais. Puis c'est pas pour rien que ce que vous avez entendu depuis le début de la crise, mm-hmm. c'est une invitation à ce qu'il réfléchisse. Et on pose la question de la confiance, on pose la question de la crédibilité qu'il a encore et tout ça. Quand on a su qu'il partait pour aller se reposer, la réaction, ça a été... ça s'inscrit dans la réflexion qu'on lui demande de faire. On ne peut pas vraiment aller beaucoup plus loin que ça. Puis là, je suis sérieux quand je dis ça. Là, cette décision-là, elle lui appartient. Et le gouvernement du Québec, il faut qu'il la prenne en pensant au meilleur intérêt des Montréalais. Parce que là, ce qui se passe en ce moment, c'est un peu un rappel de ce que vous avez vous-même vécu quand vous avez gagné en 1997 le prix Judith Jasmin. Vous avez révélé le financement irrégulier de la formation politique de Pierre Bourque à l'époque. Hey, vous vous souvenez de ça? Non, je le lis. Mais non, mais quand même, vous qui êtes journaliste, qui avez sorti. C'était une histoire de prêtre, non? Oui. C'est le chauffeur qui avait pris l'argent du maire pour aller voir trois vieilles dames pour échanger ça contre des chèques. Ah, c'est aussi gros. Mais non, mais c'était... Non, évidemment pas, mais c'était symptomatique d'un système qui existait déjà à ce moment-là. Et le journaliste en vous, là, en ce moment, là, est-ce qu'il bouillonne? Est-ce qu'il aimerait ça, être à la commission Charbonneau, sortir des histoires? Non, non, non. Moi, je suis très bien là où je suis parce que, justement, j'ai fait des reportages sur le système des prêts-noms. Ouais. Puis là, on propose un système qui va mettre fin aux prêts-noms en abaissant les dons à 100 $. Justement, ça, c'est votre proposition, mais ça, c'est pour la politique. Notre proposition. C'est la proposition pour la politique provincial, vous voulez appliquer aussi au municipal? Oui, même national, en tout cas. Ah ouais, ben provincial. Ouais. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire par là, mais on ne parlera pas de souveraineté. C'est pas bon, votre parti. non, mais au niveau municipal, là, supposons qu'on limite ça à 100, puis j'ai besoin de comprendre, puis je pense que les gens aussi. Okay. De toute façon, il y avait déjà une limite. Oui, à 1000. C'est ça. Mais, je veux dire, mais ça n'empêchait pas d'aller aux toilettes, se faire donner une petite enveloppe de 10 000. Non, mais là, ça, c'est sûr. Là. En quoi 100 $ va empêcher ce genre de... Ben, les enveloppes brunes, là, peu importe les lois que tu votes, si quelqu'un veut t'en donner puis quelqu'un veut la prendre, ça, il n'y a aucune loi qui va jamais l'interdire. Alors, pourquoi donc diminuer la contribution? Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que tu as des collecteurs de fonds qui vont chercher des gros montants d'argent à coût de 1000 piastres. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des cocktails à 100 000, comme on en a vu. Ouais. Hein? Mm-hmm. Bon. Oui. Voulez-vous qu'on nomme le nom? Ah non, mais allez-y. Hein. Moi, je ne suis pas journaliste. Par exemple, Mme Normando. Arrête. Mme Normando. Ouais. Ben oui, 100 000. Alors, avec un système à 1000, tout ce que ça te prend, c'est combien de contributions à 1000? T'en as un petit peu 100. Hey! Ouais. C'est donc bon, là, ça. Ben oui, non, excellent. Je suis pas payé. Alors, si vous ramenez ça à 100 piastres, au lieu de t'en prendre 1000, ça va t'en prendre 10 000. Hey. Ah, mon Dieu, c'est tout un choc. C'est incroyable. Oui, alors, mais tu te rends compte comment c'est difficile? Oui, oui. Ça devient beaucoup plus difficile pour je comprends. Collecteurs de fonds. On va mettre ça à 10 piastres? Ah! Ouais, mais là, faut. Mais le gaz coûte cher. Le gaz coûte cher. Quand ils font des cocktails au stade olympique, on va y revoir. Puis le système des prêts-noms aussi va tomber à terre avec une mesure comme celle-là parce que d'aller chercher des gros dons en cherchant des personnes qui sont prêtes à signer des chèques à 1000, tu peux finir par y arriver. Mais ramasser des chèques à 100 piastres, ça devient pas mal compliqué. Alors, c'est vrai qu'on ne réglera pas tout, mais moi, je pense qu'on va régler, pour une bonne part, le problème des prêts-noms. Puis le problème des collecteurs de fonds. C'est pas un mauvais départ, ça. Non, c'est pas un mauvais départ. C'est un premier pas. Mais justement, je pense que votre travail global, vous voulez en fait rapprocher un peu l'électorat de la politique. Vous voulez un peu réduire le l'influence fossé. De l'argent sur la politique. Mais, c'est ça que vous vouliez dire. Ben, oui, c'est vrai? Oui. OK, merci. Vous êtes un bon journaliste, vous. Mais justement, ça, c'est la première étape. Mais quand on regarde plus loin, là, la vraie job à faire, c'est laquelle? Ben moi, je pense qu'il faut commencer par celle-là. Après ça, les élections à date fixe. OK. Après ça, le vote sur les campus. OK. Il faut également voter un projet de loi pour que les maires qui sont mis en cause aux criminels soient obligés de se retirer. OK. Je pense que la limitation des mandats, il faut la regarder. OK. Financement des partis politiques municipaux, il faut la regarder aussi. Vous avez des propositions là-dessus. Hein, pour faire ça. Bien, ça, ça dépend de nos amis d'en face. Alors, ben, est-ce que vos amis d'en face... D'ailleurs, est-ce que le gouvernement est tombé? Le gouvernement est toujours là? Ben, ça fait 2 heures, vous êtes là. Écoutez, ils ont dit qu'ils pourraient nous faire tomber incessamment. Ben oui, mais peut-être c'est pour la fun, peut-être qu'on ne pourra même pas finir l'entrevue. C'est pour s'amuser. Ils veulent provoquer des élections, peut-être? De toute façon, on attend le prochain chef au Parti libéral. Votre préférence? Aïe, imagine-toi si je répondais à cette question. Justement, répondez donc. Répondez donc. Raymond Bachand, ça me surprend. Je pensais pas ça. Pourquoi? Je voulais entendre la réponse à cette question-là. Ben, je pensais que vous alliez me dire Pierre Moreau, mais là, vous me dites Raymond Bachand. Bon, OK. Non, mais moi, je le sais pourquoi. C'est parce que c'est un ancien péquiste. C'est juste pour ça. Ah, c'est ça. Merci beaucoup, Fred. Vous restez avec nous, monsieur Drayman. Oui, mais parce qu'on va voir si vous me gardez. Ben oui, il y a de la bière en masse. vous écoutez la commission Charbonneau? J'écoute les extraits du soir. Oui. Ben oui, la version c'est quand express, même incroyable. Est le jambon, c'est hier. Super le jambon. Bon. Ben oui, je le sais. Jambon. Ben regarde, le veston qui se ferme pas parce qu'il y a trop d'enveloppes. Faut que tout le monde mange. Mais on a vu quand même défiler des témoins assez hauts en couleur, dont Martin Dumont, qui a révélé que le coffre-fort de Bernard Trépanier débordait de billets bruns, roses et rouges. Et ça, ça nous a inspiré, en l'absence du hockey, une petite chanson de notre jeunesse. Ouais. On l'écoute. J'étais petit dans mon quartier. On jouait à faire comme Gérald Tremblay. Je J'me prenais pour Rizzuto, pis gros Lino Zambito. J'me prenais pour ce qu'il y avait de mieux, toujours pour un de ces mafieux. Aujourd'hui et demain. Brun, rose, rouge. Les grosses coupures nous brûlent les mains. C'est dans nos coffres, dans nos cœurs, notre tradition, pas d'honneur. La corruption, c'est tout, c'est une partie de nous. Brun, rose, rouge. La corruption, c'est une partie de nous. C'est quoi la chanson originale, hein? Le bleu, blanc, rouge. Ah, OK. Hey, depuis j'ai envie d'écouter les 45 tours encore. Depuis le départ de Bernard Drainville de Radio-Canada, il est considéré comme étant le plus grand journaliste tout-terrain de la Grande Tour Brune. Comme l'ex-journaliste à l'époque, il parcourt le monde et va chercher les confidences des plus grands. Bien sûr, je parle de Jean-Sébastien Girard. Bonsoir, Jean-Sébastien. Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Hey, ça va super bien. Ça a super bien été avec Bernard. C'était vraiment le fun. Bon, et comment ça va, vous? Ben moi, ça va bien. Moi, ça va très bien. Mais un qui n'a pas l'air de bien aller, c'est évidemment, Jean-Philippe, notre bon maire, Gérald Tremblay. Tablette qui n'a pas l'air bien. Ben non, on le sait, hein, il nous a annoncé hier qu'il allait prendre quelques jours de congé. Vous en avez parlé. Il y a un sondage qui a été publié hier, jeudi, qui nous a révélé que seulement 10 % de la population le soutenait. Je me dis, pauvre petit loup, il a donné sa vie au Montréalais. Regardez comment on le traite. Je trouve ça un petit peu dégueulasse, si vous voulez mon avis. Ouais. Mais en même temps, je me dis, il y a peut-être des petits problèmes de santé physique ou mentale qui l'ont poussé à commettre des petites erreurs. C'est pour ça que j'ai eu envie de consulter un médecin qui pourrait nous aiguiller un peu sur le cas Tremblay. Ça va peut-être l'aider avant qu'il soit un petit peu trop tard. Alors, je me trouve présentement avec une sommité du domaine médical, le docteur Yves Lamontagne, écoutez, qui était président du Collège des médecins pendant 12 ans. Il a participé à la création du Centre de recherche Fernand Séguin en psychiatrie et de la Fondation des maladies mentales. C'est pas un tout nu, Jean-Philippe. Ben bonjour, non. Docteur. Oui, bonjour, Jean-Sébastien. Alors, avant de commencer, je veux m'assurer de votre crédibilité un peu. Je vous connais pas beaucoup. Est-ce que vous êtes aussi bon que le docteur Maillot? Ah oui, sans aucun doute. Et ça, c'est vrai à cause de ma sagesse. C'est vrai. Puis en plus, moi, j'ai encore mon permis de pratique. Mon c'est bien. Voilà. Mais la seule chose qui m'inquiète, vous n'êtes pas psychologue, hein, juste psychiatre. Il faut quand même avoir fait des études pour ça. Oui, un petit peu. C'était un peu plus loin que le cégep. Okay. Alors, moi, j'ai, après un diplôme en médecine, j'ai fait un autre 5 ans parce que j'étais un peu paresseux. Puis je voulais à chaque année, alors ça fait plus de temps. Alors, vous me semblez assez crédible. Alors, on va parler du cas de Gérald Tremblay maintenant. Alors, d'après vous, docteur, quelqu'un qui ne voit rien, qui n'entend rien, qui ne dit rien, spontanément, on pense à un problème de vision, d'audition, ou est-ce qu'on est dans un beau cas d'autisme ici? On est dans rien de ça. Okay. Je remarque, audition, ophtalmologie, on enlève ça. Autisme, non, parce que le maître Tremblay est quand même assez social. Ah oui? Oui, oui, oui. Moi, je parlais plutôt d'un stress post-traumatique. Vous savez, le stress post-traumatique, ça arrive quand il y a un événement très important, un gros accident d'automobile, une bombe en Afghanistan, et le maître Tremblay, Dieu sait qu'il y a une bombe qui lui a pété d'en face très récemment. Donc, je vois davantage comme étant un choc post-traumatique. OK, donc tout s'explique médicalement. Oui, oui, oui, effectivement. J'ai déjà lu aussi qu'il existait des cas d'amnésie sélective, comme celle qui semble un peu toucher le maire. Il se souvient de tout sauf de certains détails. Est-ce qu'on peut parler d'un phénomène documenté en médecine de cet événement-là? Oui, effectivement, on peut appeler ça de l'aveuglement volontaire ou de la surdité volontaire. Vous savez, quand vous voulez pas voir quelque chose, ben vous entendez. C'est un peu comme ça que ça a sorti avec un des témoins à la commission Charbonneau, d'ailleurs. Et l'image qui me vient, parce que le maire Tremblay, c'est quand même un chic type, qui est un peu crédule, à mon avis. C'est un peu naïf, mais c'est un bon Jack. Ouais, et finalement, c'est un peu comme quelqu'un qui est très religieux, puis qui voit un show de striptease. Puis il se met la main dans la figure, mais les doigts écartés, il dit « Non, non, j'ai rien vu, j'ai rien vu. » Alors, c'est un petit peu comme ça, je pense. J'adore cette analogie-là, mon bon docteur. Là, il est parti quelques jours en repos. Évidemment, on craint le pire. Moi, je suis bien inquiet. J'ai peur qu'il ne revienne pas lundi. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Ah oui, c'est une possibilité. Vous savez, avec le stress post-traumatique, ça dure quand même pendant un bon bout de temps et ça disparaît uniquement quand l'événement traumatique n'est plus là, puis quand le stress est à son niveau minimum. Donc, c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce que ça dure un bout de temps. Eh, pas bon que j'ai peur qu'on le perde. Je vous remercie beaucoup, docteur. Mais je vous trouve tellement bon que j'aimerais profiter de votre présence. Si vous le voulez bien, je vais vous garder avec moi. Il y a d'autres hommes influents qui ont peut-être besoin aussi de trouver des pistes pour tenter d'avoir une meilleure santé physique et mentale. Alors, je vous garde et je vous reviens dans quelques minutes, Jean-Philippe. Ah, merci beaucoup, Jean-Sébastien. À tout de suite. Ah, vous êtes toujours aussi drôle. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier, l'émission qui ne visionne jamais de pornographie sur les heures de bureau. Oui, ben, c'est pas tout le temps vrai. Là. Non, ben c'est ça. Sauf une fois au chalet. Ben oui. C'est le temps d'aller parler à un grand penseur du 21e siècle qui, paraît-il, a trouvé la solution à notre déficit démocratique, Fred Savard. Oui, grosse semaine de mascarade. Hein, et je ne parle pas seulement d'Halloween. Oui, on a eu notre lot de zombies, policières et infirmières sexy qui ont paradé dans nos rues en ruine pour avoir des nananes. Mais on a constaté qu'on pouvait aussi avoir des gros nananes juste en étant déguisé en cravate à l'année longue. Ah oui? Oui, la commission Charbonneau, plus que jamais, nous démontre qu'on a besoin d'une révolution au Québec, puis ça presse. Mais pas une révolution de pee-wees, là, comme on nous l'a montré les étudiants ce printemps. Non. Pas de pétage de vitrine, pas de manif dans les rues. De toute façon, on l'a vu, ça marche pas. Et ça transforme même certains leaders étudiants en politiciens shootés au chloroforme. j'ai lu beaucoup de Tintin quand j'étais jeune. Le chloroforme, ça m'a marqué. Ouais, c'est ça. Depuis que le monde est monde, on est dirigé par la même engeance de politique. Vous êtes pas tanné d'être dirigé par des avocats, des ingénieurs, des gens d'affaires ou pire, d'anciens journalistes de Radio-Canada. Que ce soit un système ou un autre, ça ne fonctionne pas. On a essayé la dictature. Le monde trouve ça trop brutal. On a essayé le communisme. Le monde trouve que ça tue l'ambition et l'initiative individuelle. On a essayé la démocratie. On se retrouve avec des Gérald Tremblay au pouvoir. Non, il faut penser en dehors de la boîte, comme le dit le poète. Oui. J'ai eu un flash l'autre jour en prenant ma douche. Je me lavais les cheveux vigoureusement et je me disais, pourquoi ne pas confier au hasard la composition de nos gouvernements? Moi, dans la douche, j'ai un accent comme ça. Ah oui? Ah, oui. Vous parlez français. Hein? Pourquoi ne pas confier au hasard la composition de nos gouvernements? Ça a l'air farfelu, mais quand on y réfléchit 5 minutes en se rinçant le cuir chevelu, les avantages sautent aux yeux. Imaginez ça. OK. Avec un gouvernement tiré au hasard, plus besoin de partis politiques. Fini les courses à chefferie qui n'en finissent plus. Fini les séances d'urinage à 50 000 piastres. Fini les campagnes électorales à 72 millions. Et comme la ploutocratie qui nous dirige depuis toujours n'arrête pas de nous dire qu'on ne s'enrichit pas en faisant de la politique, en confiant au hasard la compétition du gouvernement, notre classe politique sera bien contente d'être libérée pour aller se remplir les poches au privé. Ah. On va les prendre au mot. La majorité des gens comme vous et moi ont des familles, des maisons, ils gèrent des budgets, ils travaillent. Pourrait-il faire si pire que nos politiciens en place? Je ne pense pas. Et le hasard ferait en sorte que les membres du gouvernement proviendraient de tous les horizons. Des gens d'affaires, oui, peut-être, au hasard. Mais pas juste ça, des infirmières, des ouvriers, des enseignants, des assistés sociaux, des chroniqueurs. Vraiment n'importe qui pourrait enfin avoir accès aux arcanes du pouvoir. Et on l'aurait enfin, notre parité, juste à piger autant dans le pot des hommes que des femmes. Vous voyez, même pas besoin de lire le livre de Monique-Jérôme Forget en plus. Ah, mon Dieu! OK, mettons qu'on enlève les enfants de moins de 18 ans, les grabataires de plus de 75 ans et ceux qui ont un casier judiciaire. Ouais. Il reste grosso modo 3 millions de personnes dans notre pool de citoyens aptes à diriger. Pensez-y. Okay. Il faudrait donc que la mafia soudoie 3 millions de personnes au lieu de soudoyer seulement le Parti libéral comme d'habitude. Là. Ben, alors, France. Ça, c'est de la distribution de richesses. À la limite, on pourrait même ruiner le crime organisé avec un système comme ça. Et comme le Québec adore les jeux de hasard, le tirage au sort pourrait devenir un genre de méga poule aux œufs d'or aux 4 ans. Ah. Et pas juste des poules, là. En fait, il y aurait juste des poules, il n'y aurait pas d'enveloppe. Ça serait doublement le fun. Okay. Et je n'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas à la composition du gouvernement. Non, tous les postes sur les CA, la SAQ, l'Auto-Québec, l'AMT devraient aussi être tirés au sort parmi la population. C'est toujours les mêmes qui ramassent la galette. Moi aussi, je suis capable d'empocher 200-300 000 pour aller à 2-3 réunions par année. Voyons donc. Et avec ce qu'on a vu des agissements de la sympathique agente 728 récemment, je pense qu'on pourrait également tirer au sort la composition de nos corps policiers. Ah oui, ben oui. Au moins, il n'y a pas juste la police qui tirerait, le hasard aussi. Sérieux, là? Est-ce que ça prend vraiment une formation pour bûcher des étudiants ou des manifestants? Voyons donc. Ben, ça prend... Les Grecs anciens confiaient souvent au hasard le soin de trancher les questions qui tiraient à l'agora. Mon Dieu, vous êtes dans la douche, là? Dans la douche. Pourquoi ne pas renouer avec cette tradition toute grecque? Parce qu'en regardant les magouilles s'étaler sur nos écrans de télévision ces temps-ci, on voit bien que le système sclérosé qui nous entoure en est un, lui aussi, un cadeau de grec. Oh! Il y a une fin pis tout. Ouais. Hey, merci, Fred. Ben, allez me rincer les cheveux. Allez-y. Bon. Eh bien, on va retourner. Oui. Un programme électoral, son ici, oui, enfin, mais Fred. Il se prépare à faire le son politique. Ben oui, mais il vient de recevoir son premier contrat à Radio-Canada. Ben oui. Il est péquiste, vous le savez bien. Ben oui. J'ai reçu ma carte aussi. Ben oui, tout est là. On va retourner discuter avec l'ami Jean-Sébastien. Jean-Séb, vous êtes là? Oui, toujours là avec le bon docteur La Montagne. Oui. Comme vous le savez, on tente d'aider certaines personnalités publiques qui semblent éprouver des problèmes de santé à se diriger vers des traitements qui pourraient peut-être éventuellement les sauver. Okay, alors, mon bon docteur, évidemment, on a parlé du maire Tremblay, mais il y a d'autres personnes qui m'inquiètent. Évidemment, on pense spontanément au maire Vaillancourt. Il est extrêmement malade. Je suis inquiet, même si je sais évidemment que la saine administration de la ville de Laval va se poursuivre. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'après vous? Mais ici, c'est différent du maire Tremblay, vous savez. Ah. On ne peut pas parler d'aveuglement volontaire, mais peut-être d'aveuglement involontaire. Ou encore, peut-être, peut-on parler de délinquance, de troubles du comportement, ou de perte de mémoire. Okay. Oh. Donc, lui, on l'aime moins que le maître Tremblay. Ben, c'est une maladie différente. Je pense que c'est un petit peu plus grave. Okay. Mais il faut aimer tous les malades équitablement. Ah oui, oui, tout à fait. Un autre qui m'inquiète, évidemment, vous vous en doutez, c'est Gilles Surprenant qui, désolé de le dire aussi crûment, a lâché une fuse devant la juge Charbonneau, ce qui nuit évidemment à sa crédibilité. Qu'est-ce qu'on suggère à des personnes comme ça qui ont des problèmes gastriques, mon docteur? Ben, je vous dirais comme il a gazé tout le monde. Maintenant, je pense qu'il devrait manger plus légèrement et surtout moins manger de dollars. Ah! Alors, c'est noté pour Gilles Surprenant. Alors, écoutez, docteur, je vous trouve tellement bon que j'aimerais également permettre à nos auditeurs de nous écrire pour soumettre leurs problèmes de santé. Alors, on va lire les questions. On va y répondre dans quelques minutes. Alors, chers auditeurs, vous pouvez nous écrire à lasoiree@radio-canada.ca et on va répondre à toutes vos questions dans quelques minutes. Ah, merci, Jean-Sébastien. À tout de suite. Et que c'est un plus dans l'émission, ce gars-là. C'est notre deuxième invité. Notre deuxième invité est un ancien vice-président du service français de Radio-Canada et donc un ex-patron de notre premier invité. Après une carrière de 33 ans dans la Grande Tour, il se consacre maintenant à l'enseignement au HEC. Voici donc M. Sylvain Lafrance. Ah ben. Eh. Mon, mon ancien boss. Eh oui. Ah ben, est-ce que vous avez... Juste une petite question avant de commencer. C'est bien important parce que je vais changer de liste de questions si vous me répondez. Est-ce que vous avez encore la possibilité de me renvoyer? Faudrait que ben, j'ai de l'influence quand même. Ouais. Je connais pas mal de monde. Non, ben, je dis ça comme ça, là, mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup d'influence. Ouais, mais vous soyez allez... quand même prudent. Soyez quand même prudent. Bon, juste ben, je vais juste prendre mon autre liste de questions. Bon. Là, je vous avertis, ça va être un petit peu plus plate, les questions. vous connaissez M. Drainville? Ah, ben oui, on s'est connus à Ottawa, nous autres, fin du 20e siècle à peu près. Ah oui? Savez, je pensais à ça tantôt parce que Bernard Drainville, Duchesne, Christine Saint-Pierre, Lisa Frula, je pense qu'il y a plus de ministres qui ont travaillé pour moi que le premier ministre lui-même. Ah ben. J'ai tellement eu de ministres qui ont travaillé pour moi. Mais pensez-vous ça que vous bon avez ça joué un rôle là-dedans, vous? Ben, je pense que oui. C'est pour ça que je. Pourquoi penser qu'ils m'ont engagé au HEC? C'est très équitable. Pourquoi ils m'ont engagé au HEC? J'ai ben formé oui tellement de ministres, moi. Ah, ben, c'est ça. Dirigé tellement de. Ben oui, stratégie et management, c'est ça, c'est vous, ça. Ouais, là, je vous ai pas offert de bière. Oui, parce que vous en voulez une? Oui, oui? OK, parfait. Je vous en prie. Ben oui. Ben Bernard, il est déjà rentré à 3e, hein, fait que dépêchez-vous. Merci. Oui. Non, vous êtes nouvellement directeur du nouveau pôle média et management. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, un pôle, c'est un peu comme une chaire. Une chaire a surtout des activités de recherche. D'accord. Un pôle, c'est à la fois de la recherche, de la collaboration, de l'enseignement. C'est-à-dire, on travaille beaucoup avec le milieu dans le domaine du management des médias. Et vous me parlez de chaire de recherche. Est-ce que c'est le même genre de chaire de recherche que Gérald Darroze a dirigé? On peut-tu la visiter? c'est vrai, ben oui. Alors, écoutez, non. Alors, ça existe. Ah, c'est une vraie, c'est le voir. OK, d'accord. Et puis, non, c'est... Bon. Vous avez une carrière de 33 ans à Radio-Canada. Ouais. Pourquoi vous êtes parti? Ben, écoutez, j'étais 12 ans vice-président. 12 ans. 12 ans. 12 ans vice-président, c'est quand même quelque chose. C'est quoi? Pour un maire, vous voulez limiter ça à combien de mandats, vous, monsieur? Deux. Trois mandats. Ça donnerait 12 ans aussi. Ouais. Non, mais honnêtement, à un moment donné, après 12 ans, tu dis, bon, les années qui viennent, qu'est-ce qu'on va créer? Ouais. Puis tu dis, est-ce que dans le fond, je ne devrais pas essayer? J'ai peut-être la chance d'essayer une autre carrière, de faire autre chose qui pourrait m'intéresser. Et l'enseignement universitaire, le monde universitaire m'intéressait depuis longtemps. C'est moi, d'ailleurs, qui ai fait la démarche il y a quelques années auprès du HEC. C'est vrai. Pour dire, écoutez, un jour, j'aimerais ça être ici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je complète des choses? Et on avait eu des discussions parce que ça m'intéressait vraiment, ce monde-là. Puis vous aviez déjà votre bac, toujours? Ouais, okay. J'avais une maîtrise en administration. Ah, ben quand même. Ouais, oui, ben oui. En plus, vous avez étudié à Harvard, à la même place qu'André Boisclair. Toute la oui. Ben, oui. C'est vrai. Même place qu'il y a beaucoup de monde, en fait. Ouais. Ben oui, c'est ça. Mais, mais c'est le fun à dire. Oui, tout à fait. Mais le Journal de Montréal avait l'habitude de le rappeler une fois par an parce que ça coûte cher. Mais je trouve ça le fun. Je veux dire, moi, j'ai fait la moitié de ma maîtrise à l'UQAM. Vous le dire, je le dis pas souvent. Moi, j'étais content. Je dis toujours, il y a des gens qui me disaient, mais tu dois lire ça, qui rappellent tout le temps ça. Je dis, écoutez, il n'y a pas de gars qui ont étudié à Harvard et ça a été écrit aussi souvent dans le journal. C'est ça. J'avais une page complète à chaque fois. Ben, Harvard doit vous donner d'ailleurs un petit, oui, c'est ça, un petit peu d'argent chaque année. Je veux dire, là, évidemment, 33 ans, ça laisse sa marque. Vous êtes fier de quoi à Radio-Canada? Quand vous sortez, là, si vous aviez comme une grande, et là, je ne parle pas de Bernard Drainville, mais une grande réussite, là. Il y a ça au départ. Plusieurs choses, parce que c'est long, là, 33 ans. Vous pouvez tout de suite enlever la série consacrée à Félix Leclerc. Ouais, bon, OK, d'accord, ça fait ça, right off. Écoutez, non, deux ou trois choses. Sûrement, toute la présence numérique, tout.tv, ces choses-là qui étaient marquantes. La progression régression de la radio aussi dans l'espace, dans l'espace médiatique. Mais vous avez fait le changement du AM au FM. Le changement du AM au FM. Ça aussi, en passant, j'en suis très fier parce qu'au moment où on l'a fait, je me souviens, beaucoup de gens qui me disaient la plus belle fréquence AM au Canada, tu la laisses aller. Je me souviens de Joël Lebigot, il ne m'en voudra pas si je le dis. Joël Lebigot disait êtes-vous fou, patron, de faire une affaire comme ça? Et un jour, deux ans plus tard, le AM allait très mal et j'ai croisé Joël dans le corridor et il me dit patron, je vais vous dire une chose. Vous aviez raison, mais je vous promets que je ne le dirai jamais à personne. Ah ben là, on va y faire dire. Là, évidemment, on parlait tout à l'heure avec M. Drainville. On a tous travaillé à Radio-Canada ici. Il y en a plusieurs qui ont quitté pour aller dans des partis politiques. Et on se demande, là, les normes et pratiques journalistiques à Radio-Canada, là, puis l'objectivité, c'est-tu comme optionnel? Je veux dire, vous qui êtes le grand patron... Non, mais on parle de Bernard Drainville, on parle de Raymond Archambault, on parle de Pierre Duchesne, qui, lui, avait l'objectivité assez lousse dans les dernières semaines. On parle de qui? Christine Saint-Pierre? Frulin est venue après, Mme Frulin. C'est vrai qu'elle est commentatrice, pas journaliste. C'est ça, c'est pas la même chose. Comment vous analysez ça? Non, mais il y a eu Michael Jean. Michael Jean, en général. Michael, oui, mais elle n'a pas pris position, elle. Elle s'est juste assise. Ça reste, écoutez, d'abord, en passant, les normes et pratiques journalistiques, Bernard peut en témoigner, c'est pris très au sérieux. Mais naturellement, on n'est pas toujours dans une science exacte. Ouais. C'est jamais tout à fait simple de dire tel reportage. D'autant plus qu'aujourd'hui, on va se le dire, dans le monde du journalisme, de façon générale, il y a plus d'opinions qui passent qu'il y a 20 ans. Je pense qu'on peut dire ça. Et donc, c'est toujours un peu plus difficile. C'est la tendance, non seulement du moment, mais c'est une tendance forte depuis 20 ans. Alors, c'est toujours assez difficile à évaluer, mais c'est vraiment pris au sérieux, je peux vous en assurer. Justement, et c'est très, très, très quand sérieux. M. Drainville, on vous a les deux, là. Quand M. Drainville a quitté, je dirais comme 6 minutes après son entrevue avec André Boisclair, est-ce que c'était 6 ou 7? C'était 6, hein? Est-ce que vous étiez un petit peu fâché, pour vrai, là? Non, honnêtement, non. C'est sûr que tu te dis, bon, c'est vrai qu'au niveau de la perception, ça pose des ennuis parce que les gens vont percevoir que... Mais cette perception-là, est-ce que Radio-Canada, c'est un nid de séparatistes ou un nid de fédéralistes? Je me souviens, quand j'avais été invité, tout le monde en parle, Mme Marois était là, et puis elle m'avait dit, écoutez-vous, là, vous avez créé RDI juste pour avoir des drapeaux du Canada partout. Ah, ben, bon j'avais Dieu. Dit, Mme Marois, dites-le à tout le monde. Ben, généralement, on me dit le contraire. Ouais. On me dit que Radio-Canada, c'est un nid de souverainistes. Alors, naturellement, quand on a une opinion politique et qu'on regarde le reportage d'un journaliste, la façon dont on le reçoit est par notre opinion politique. Fait que c'est très difficile. Moi, je pense, la première place où on débat, puis Bernard peut en témoigner, je suis sûr, la première place où on débat très fort de la qualité d'un reportage et de l'orientation d'un reportage, c'est à l'intérieur même des salles de nouvelles. Oui. Parce qu'il y a des débats fondamentaux là-dessus, entre les journalistes d'abord, avec les boss, avec tout le monde. Et c'est naturellement, c'est normal qu'on ait l'ensemble de ces débats-là, mais on prend très au sérieux de la question et de la politique. Et là, je veux dire, Philippe, là, quand j'étais là, je recevais autant de réactions m'accusant d'être un méchant fédéraliste que de réactions qui disaient le contraire. Puis, sérieusement, là, je sortais des ondes, puis je voyais ça arriver, puis je me disais, la job est faite. S'il y a autant de personnes qui pensent que je suis d'un côté que de personnes qui pensent que je suis de l'autre, c'est parfait, excellent. Quand j'ai fait le saut, là, si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont dit, aïe aïe, on pensait le contraire. Ben, t'as été tellement dur dans certaines des entrevues qu'on a faites avec toi. Alors, moi, puis je suis tout à fait d'accord, c'est très, très sérieux, puis c'est très rigoureux. La façon dont ces règles d'éthique sont appliquées à Radio-Canada, c'est très, très, très sérieux. Ça dépend des émissions. Là. Je ne vais pas parler de la nôtre nécessairement, mais... c'est sûr que si on appliquait les politiques journalistiques ici, ça serait... Non, ça serait bien tannant. On peut le faire pour l'émission de la semaine prochaine. On peut faire un test. Vous n'êtes plus boss, vous, hein? juste pour être certain. Ouais. Et dernière question, d'ailleurs. Vous avez encore des liens dans la boîte? Oui, un peu, oui. Oui, vous connaissez pas mal tout le monde. Oui. C'est qui le prochain qui se lance en politique? Aïe, je sais pas, hein. Les bigots, moi, je trouve, je le verrai en politique. Ah, oui. Puis voulez-vous savoir? Moi, j'ai un œil sur la case horaire du samedi matin. Moi, je trouve ça intéressant. Parfait, on va y en parler à M. Lebigot. D'ailleurs, il y a plein de choses à nous dire, lui, visiblement, qu'il nous a caché. Ah, ben oui. Un bon ministre de la Marine. Ah oui, c'est vrai. C'est une très bonne. Merci beaucoup, M. Lafrance. Vous restez avec nous, j'espère. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Il parcourt les ondes à cheval sur ses écouteurs à la recherche des extraits les plus burlesques, ce qui fait de lui un cowboy de l'absurdité hertzienne. Voici la chronique d'Olivier Niquet. Après 20 présentations, c'est ça que ça donne. Hein? Olivier. Ben, gros début de semaine pour les météorologues, climatologues et autres Frédéric Arnoult qui ont évoqué la possibilité que l'ouragan Sandy soit lié au réchauffement de la planète. Or, selon Reynald Duberger, un sismologue recyclé en climato-sceptique, il s'agit d'une vaste arnaque pour nous faire sentir importants. Les politiques ont intérêt à faire croire aux gens qu'ils ont un pouvoir sur la planète qui peuvent la refroidir ou la réchauffer. C'est un mythe. Je pense que le soleil reste et restera toujours le moteur principal. Oui, ben, c'est surtout le soleil qui nous réchauffe. Quoique un bon café Tim Hortons qui goûte rien, là, c'est... Oui, oui. En tout cas, l'homme n'a rien à voir dans tout ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que cet ouragan-là avait un nom de femme. Autre grosse nouvelle ce week-end, le Journal de Montréal a dépêché ses journalistes à Sagard pour enquêter sur le château des Desmarais. Après la vidéo d'Anonymous, voici la vidéo du voisin anonyme. Cet entretien du secret qui se passe là, pourquoi? C'est sûrement pas pour rien, là. Ah, le raisonnement par l'absurde, comme on dit, ou peut-être juste le raisonnement absurde. En tout cas, ça résume assez bien l'enquête du Journal de Montréal, qui, au fond, était surtout un prétexte pour publier des photos de Jean Chrétien avec une calotte de chasseur. Et en ce sens, c'est une réussite. Il n'en fallait pas plus pour qu'Amir Kadir s'intéresse lui aussi au dossier de Sagard. Moi qui regarde face à face tous les jours à VTL pour trouver de juteux extraits de Stéphane Gendron, j'ai été plutôt surpris de constater que c'est sa co-animatrice Esther Bégin qui s'est indignée de la chose. Sur quelle planète vit Amir Kadir? Dans quelle société il évolue pour réclamer une enquête du commissaire à l'éthique sur des gens qui vont résider dans un domaine privé? Est-ce qu'il veut importer une dictature, la dictature iranienne ici au Québec? Parce que, bon, en Iran aussi, on enquête sur à peu près n'importe qui, n'importe quand. Évidemment, oui, quand ton époux a été conseiller de Jean Charest et qu'il existe des photos de toi avec André Desmarais sur le web, tu dois pas trop triper sur les enquêtes sur Sagard. On pourrait déduire de tout ça que nos politiciens sont manipulés par les bonzes du milieu des affaires, mais ben, en fait, c'est un peu ça, comme l'expliquait candidement Jean Lapierre. Dans les milieux d'affaires montréalais, il circule un scénario pour que la CAQ et le PLQ défasse le gouvernement rapidement, ensuite avoir un genre de coalition entre les deux pour remplacer le gouvernement péquiste. Ça ressemble quasiment à l'Empire bossé, ce scénario-là. Ça va être un grand succès. Est-ce que je dois entrer en chambre pour aller, ouais, moi, pour aller je, voter? Je m'en retournerai tout de suite, Bernard. Mais tout ça n'est que poudre aux yeux parce que l'ancien professeur de l'Université Laval, Régent Breton, a bien démontré que ce ne sont pas les hommes d'affaires qui décident au Québec. Oh que non! Au Québec, qui décide, c'est la rue. Au Québec, qui décide, c'est des étudiants en sciences humaines qui savent évidemment pas compter. Leur prof ne le sait même pas. J'en ai parlé il y a plusieurs mois. Un mélange de corruption et de révolution, c'est la République de bananes. Ah, la belle association entre la Commission Charbonneau et la crise étudiante. C'est pas pour rien que Gabriel Nadeau-Dubois vient d'être reconnu coupable d'être allé sur le bateau de Tony Accurso. Terminons avec le témoignage touchant d'un gars qui s'est fait couper l'électricité par Hydro-Québec parce qu'il n'avait pas payé sa facture depuis un an et demi. Ce pauvre monsieur, c'est Éric Duhaime. Et avant qu'Hydro ne réalimente en électricité la belle machine de propagande qu'il a achetée chez Walmart, Duhaime s'est buté à l'enfer de la bureaucratie. Et ce qui me frustre le plus de tout, c'est que s'il m'avait fait ça avec mon cellulaire, tu peux être sûr que Belle aurait entendu parler de moi, puis à matin, j'aurais un nouveau numéro, puis je serais chez Vidéo France. Bon, mais tu l'as la solution, va chez le concurrent d'Hydro-Québec, Éric. C'est ça mon maudit problème, c'est qu'on est otage d'un monopole qui fait ce qu'il veut, qui se contrefiche de ses clients. Oui, tout le monde sait que les compagnies de téléphonie sont des modèles d'efficacité en matière de service à la clientèle. Puis c'est vrai qu'avec le privé, il n'y en aurait pas eu de tataouinage bureaucratique, là. Il aurait coupé le courant direct le premier jour. Ben ouais. Le libertarien que Éric Duhaime devrait le savoir, là, comme le dit Spider-Man, que j'ai d'ailleurs croisé le soir de l'Halloween, avec de grandes libertés individuelles viennent de grandes responsabilités individuelles, ouais, dont celle de payer ses comptes à temps. Mais, monsieur, bien. Merci. On va les trouver, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien. Oui, bonjour, toujours avec le ben oui. De la montagne. On a reçu une tonne de courriels, évidemment, des gens inquiets pour leur santé mentale ou physique. J'ai gardé les meilleurs. Alors, le premier courriel nous vient de Jean-Philippe Gauthier, qui dit ceci. Je me trouve pas mal cute. Je fais souvent des regards nébuleux dans des magazines de ma tante et je suis incapable de résister à l'envie de me regarder dans toutes les surfaces réfléchissantes. Ma question, comment faire pour guérir une blessure d'ego? Ben, j'ai deux solutions, Jean-Sébastien, à proposer. La première, c'est de dresser les miroirs. Et la deuxième, c'est peut-être dans le vie de son troisième prénom, Jean-Philippe Narcisse Gauthier. C'est bien dit, on garde ça en note, cher docteur. Je le connais Voici pas. Voici le deuxième courriel. Bonjour, docteur. Un message qui nous vient de Mme P. Marois. Bonjour, docteur. Qu'est-ce que vous pensez du petit Régent Hébert au PQ et du nouveau gouvernement général et ses intentions en santé? Ben pour le docteur Hébert que je salue, il est plus mince et mieux habillé que le docteur Barrette. Et quant au nouveau gouvernement, je me demande encore si je serais pas obligé de lui envoyer toutes mes payes pour la santé. Et un dernier courriel qui nous vient de quelqu'un d'anonyme. Alors voilà, qui nous dit « Bonjour docteur, je suis un homme politique bien connu qui transpire bien gros de la tête. J'ai déjà eu l'air bien fou à cause de ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, Seigneur Dieu? » Ben, je pense que ça montre qu'il y a une tête sur ses épaules en partant. Ah, deuxièmement, je lui suggère de mettre de la poudre à l'avenir avant de sortir publiquement. Ça va absorber l'humidité. Et surtout, j'espère qu'il ne fait pas suer les autres. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez? Oui, ça me fait penser à M. Drainville, effectivement, que je salue. Bonsoir, M. Drainville. Bonsoir. C'est la première fois que je vous appelle M. le ministre, d'ailleurs, alors je vous félicite. Ben oui. Vous êtes bienvenu? On s'est rencontrés à quelques reprises. Quand... Sur un bateau? Non, pas sur un bateau. On avait juste les moyens d'aller à Cano, puis encore. Ça va bien, docteur. Je ne vous remercierai jamais assez, Jean-Philippe. Et là, Jean-Philippe, je vais vous laisser parce que moi, j'ai des petits boutons à montrer au docteur Lamontagne. Il faut que j'ai un médecin avec moi. Merci, Jean-Sébastien. Bonne fin de semaine. Oh, boy. Hey, vous laissez ça te dire, hein, Brian? Ben oui. Mais il est bien fin, M. Lamontagne, paraît-il. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Ben oui. Notre correspondant parlementaire a enfin eu ses nanas, lui aussi, en cette semaine d'Halloween, avec le discours d'ouverture de Pauline Marois et l'ouverture de la session parlementaire. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Ça ben fait oui. Bien. C'est le meilleur somme de ma vie pendant le discours de Mme Marois. Ben franchement. Ben non, je fais des blagues. OK. Là. Ben c'est la rentrée parlementaire. Là. Il paraît que vous nous avez préparé un petit guide. Là, ben pour oui, bien vous savez, comme je suis les débats, comme certains suivent le hockey. Puis ouais. Heureusement que je suis pas en Ontario, ben ils sont en lockout à l'Assemblée législative là-bas. Ouais. On va définir d'abord certains rôles à l'Assemblée nationale. Okay. Si on connaît Mme Marois, on connaît M. Fournier, mais bon, les autres, le président de l'Assemblée nationale. Ouais. Ça, c'est facile. C'est le gars situé juste en dessous du crucifix. Là. Oui. Sa principale utilité au président, c'est de se faire appeler Monsieur le Président. Ouais. Et ouais, exactement. Il peut aussi user d'autorité là, en lançant un retentissant s'il vous plaît quand l'ajout oratoire atteint des proportions inusitées. Ah ouais. Vous l'ignoriez peut-être, et ça c'est un fait véridique, la table en avant de lui, c'est un écran d'ordinateur. Alors il peut aller sur Facebook et sur Twitter pendant des heures pendant que ses collègues se crient des bêtises. Ah ben oui. C'est Jacques Chagnon qui est président en ce moment. Un homme qui fait beaucoup de blagues, tout en délicatesse. On a presque oublié que lorsqu'il était ministre de la Sécurité publique, il parlait de la crise de Canisataké en disant « Quand Canisataké, il passe une corneille, t'es pas content, tu sors ton dos, tu tires la corneille, on voit pas ça ailleurs. » Une telle délicatesse. Souvenez-vous de ça. C'est un drôle. Bon, autre rôle, le whip, hein, qui vient de l'anglais « whip ». Ouais. ça veut dire fouet. C'est celui qui assure la discipline de parti. Oui. Il faut vraiment deux têtes fortes. Et François Blanchet au PQ, Laurent Lessard au PLQ, parce que c'est eux qui assurent la ligne de parti, qui notent les absences. C'est un peu les stouleux de la classe, si vous préférez. Ouais. C'est eux qui se font haïr après deux semaines, mais le whip, quand la mayonnaise est vraiment bien prise dans le parti, ils deviennent des miracle whip. Ouais. Okay. Dédié à Fred Savard, celle-là. Et finalement, le leader parlementaire, ça, c'est le gossu de procédure. Tu sais, celui qui criait tout le temps question privilège pendant les assemblées générales, puis qui connaissait le code Morin par cœur. Ouais. Un grand stratège. Alors, c'est à surveiller de ce côté. Oui, ben oui. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci énormément. Écoutez, c'est déjà tout pour ce soir. Restez à l'écoute dans quelques minutes. C'est le cabaret de Plus on est fou, plus on lit. Tout de suite après, c'est Bande à part qui est animé par Alex Courteau. Merci à toute l'équipe. Vous les connaissez, Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Julie-Christine Parent, Jean Gagnon, Steve Côté, évidemment, Philippe Roberge à la musique. Et un immense merci de nous inviter ce soir. Bernard Drainville, bonne chance dans votre gouvernement et bonne élection au printemps prochain. Merci. Ouais. Et Sylvain Lafrance, bon retour sur les bancs d'école. Et faites attention au carré rouge. Hein. Ouais. Faites bien attention. Moi, je sais, il y en avait moins quand même. C'est plus calme. Ouais. Ah ouais, c'est plus clean là-bas. Et quant à nous, vous pouvez nous suivre sur Twitter à twitter.com/lasoirée. Nous réécouter grâce à notre balado. Écrivez-nous si vous voulez assister à notre prochaine émission. On enregistre les jeudis à 17h. Nos invités la semaine prochaine, Jamilia Benhabib et Jean-Luc Mongrain. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.